Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 29 août au 11 septembre, l'émission de la semaine du 12 septembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, c'est notre première émission de la saison et on a pris un petit peu de retard, donc on fait cette semaine les palmarès précédents. Et la Exactement. Semaine prochaine, on fera un autre palmarès de deux semaines. Donc ça va avoir du sens au fil des semaines, je vous dis. Oui, tout à fait. Donc bienvenue à vous, on est là pour 3 heures pour la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone, un top 20 anglophone. On a aussi dans l'émission de cette semaine ailleurs dans les palmarès pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres thématique musicale de C'est fou. Alors, on est aussi là pour vous tenir au courant de la construction du pavillon. Oui. Il y a de l'action, là. Ça a bougé depuis ce matin. Pour ceux qui étaient à l'assemblage requis ce matin, mardi, on parlait qu'ils étaient en train de refaire le toit. Et là, il y a du feu sur le toit, là, des grosses bonbonnes de gaz. Oui, exactement. Les gars se promènent avec des chalumeaux. Vraiment, on fait la toiture. C'est ce qu'on peut comprendre. Hein? C'est la vue qu'on a sur notre belle baie vitrée. C'est incroyable. On devrait avoir un public en studio, c'est tellement énervant. Ah, je sais. Caméra 3 en Chine. Caméra 3. Ah, que les gens qui écoutent Assemblage Requis habituellement comprennent. Ceux qui écoutent seulement les palmarès, c'est fou, comprennent absolument rien. On va vous remettre un petit peu dans le contexte des palmarès. On a toujours, évidemment, Tobin Franco, Tobin Anglo, j'ai dit tantôt, mais on a tout le temps des nouvelles entrées en début d'émission. Et cette période-là, j'en compte 7. Donc, du côté anglophone, on va entendre en nouvelle entrée de Pack 80, Heaven for Real, Blues Pills, ainsi que Japan Girls. Et du côté du top 20 francophone, eh bien, on va entendre 3 nouvelles entrées, exactement. On va entendre, entre autres, un Ben qui vient de revenir depuis quelques années, Les Ghouls. On va entendre aussi Mauve et Fudge. Évidemment, vous allez me dire, mais j'ai déjà entendu tout ça parce que j'écoute Assemblage Requis. Oui, exactement. Jeudi. Absolument, vous avez raison, mais on les a jamais entendus dans une seule et même émission, une à la suite de l'autre. Donc, commençons par les 20e places en anglophone de Pack 80 avec Yes, I Know sur l'album Positive Thinking. Et du côté francophone, eh bien, on va aller entendre Les Ghouls avec la pièce Coma. Hey, t'arrives juste à la fin de l'intro, garçon. C'est fou, hein? Ça, c'est de la radio! Plongé dans le coma, coudon, je suis tu savais. entrée.

c'était la pièce Kill Your Memory par Heaven For Real, Kill Your Memory. Mm-hmm. Sur l'album du même nom, 19e place anglophone, nouvelle entrée. Oui, et du côté francophone, eh bien évidemment, on a entendu Mauve avec une pièce qui s'appelle Longtemps. Mm-hmm. Avant ça, en 20e place anglophone, c'était The Pack 80. The Pack 80, oui, avec Yes I Know, la position numéro 20 sur l'album Positive Thinking. Et du côté francophone, eh bien on a entendu Les Ghouls, je l'ai dit un petit peu plus tôt quand j'ai présenté la chanson. C'est un band qui a arrêté de faire action vers les années 2007. Puis oui, années 2007. Ce matin, c'était les années 1997. Je sais, j'ai quelque chose pour les 7, faut croire. Je sais pas. Et ils ont tout simplement décidé de remettre ça cette année, en 2016. Donc, ils sont revenus et ils disent eux-mêmes que leur musique est faite pour hanter les pourris et égayer les malades. Ah, c'est dommage cute, ça. C'est là pour crier aussi pas mal. Hein? Ouais. Ça crie ses barres. Ça réveille, en tout cas. Ouais. The Pack 80, c'est un retour pour eux. Leur album Positive Thinking, ça sonne pas mal bien, ça, pour un nouvel album. Prochain nouveau bloc, c'est les positions numéro 18. On va aussi entendre le numéro 17 anglophone, donc plus tard dans le bloc Japan Girls et Blues Spills. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Fudge avec la pièce Lazare. Et j'imagine, Mathieu, qu'on va entendre, on va pas nécessairement entendre la numéro 17 du côté francophone. Probablement pas, mais on va le dire après, lorsqu'on fera le petit résumé de ce que l'on saute. Donc pour l'instant, c'est Fudge. Pas lasagne, hein, c'est Lazare. Mais moi, j'aimerais ça, c'était de la lasagne. Ah, je sais, t'as tout en faim. De Garfield. Terrible. C'est des bonnes restes, c'est fou. Au 89 FM. Entrée. Lady dressed in gold, she is young, she is old, she's the keeper of the soul, she's called death. Takes you in her arms like a child to a mother, she's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door, don't have to run no more, this day I keep her up, so she's called there. Takes you in. 17. Nouvelle entrée. Assemblage Rocky les matins, c'est Jippin' Girls avec Bully For You. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Fudge avec la pièce Lazare. Fudge that. Avant ça, on a entendu en position numéro 18 anglophone, Blue Spills avec Lady in Gold sur leur album du même nom. Et on va entendre, en fait, parce qu'on ne l'a pas nécessairement entendu. Parce qu'on on a dit qu'on ne savait pas entrées. Trop, ouais, exactement. Exactement. Normalement, on ferait Palmer Rest in Peace, on n'a pas eu le temps de le faire, mais là, les nouvelles entrées sont terminées. On va à des choses autres que, que des nouveautés. Du côté francophone, tu l'as dit, on va entendre quelque chose qu'on a sauté là, mais qu'on va entendre dans quelques minutes. Oui, tout à fait. En fait, c'est Navet Confit, un band qu'on connaît quand même assez bien ici, parce que ça joue plusieurs fois dans le palmarès. C'est très, très bon. Et on va entendre la pièce Vers la mer ou Vers le ciel. Génial. Dans quelques instants, du côté anglophone, moi, je vais sauter par-dessus à les positions 16 à 14. Donc, en 16e, Person avec Electric Landlady qui est là depuis 7 semaines. En 15e, c'est People Vultures par King Gizzard and the Lizard Wizard qui est là depuis 6 semaines. Mm-hmm. Et Plants and Animals avec No Worries Gonna Find Us qui est là depuis 6 semaines et stable en 14e place. Et du côté francophone, eh bien, on va se faire un bloc quand même de trois pièces musicales. On va entendre, comme je le disais, Navet Confit. On va aussi entendre Montréal Carnivore avec la pièce Les Oreilles et on va aussi entendre Les Indiens avec la pièce Sauvage qui est là depuis 4 semaines. On commence avec Navet Confit tout de suite dans les palmarès. C'est fou! Bye. J'ai pas le goût de calmer. Voilà, mais pas du bruit, je te crie dans les oreilles. On passe du crime, t'es dedans, c'était les Indiens avec Sauvage en position numéro 15 qui descend de 5 places. Et on a aussi entendu la 15e, non, la 16e, 16e, 16e, ouais. On a bloqué la 14e un petit peu plus tard pour le top francophone, mais la 15e était Montréal Carnivore avec la pièce Les Oreilles. Absolument, tu l'as dit, on a sauté la 14e par Catherine. Oui, qui était une pièce musicale... Étrange. Voilà. C'est un genre. Oui, de mon côté, on a aussi sauté la 14e, donc Plants and Animals avec No Worries Gonna Find Us. On va sauter au 13e place en anglophone. C'est un groupe que j'adore, je trouve ça super bon. C'est Whitehorse, j'ai probablement aimé vous aussi. L'album s'appelle The Northern South Volume 1 et la pièce est My Babe, ça descend de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre une pièce qu'on a fait jouer ce matin aussi dans l'émission, qu'on a vraiment trouvé très, très bonne. Donc, c'est Artifice Palace avec la pièce Entre tes mains. Au palmarès, c'est 89 FM. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she loves me, my babe. Oh yeah, I know she loves me, my babe. Oh yeah, I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, my babe. Ils sont posés au numéro 13 avec la pièce My Babe qui descend de deux places. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Entre tes mains d'Artifice Palace. On saute par-dessus les 12e et 11e des deux côtés. En fait, en anglophone, il y a Dear Hoof avec The Devil and His Anarchic Serialist Retinue et Solids en 11e avec Blank Stare. Et du côté francophone, eh bien, on saute par-dessus Rouge Pompier avec la fameuse pièce VHS qu'on a entendu beaucoup durant l'été. Et aussi, on va sauter par-dessus Crabe avec Déjà bientôt la lumière. Les positions numéro 10, assez sur retour. C'est fou, assez. Vous êtes assez perdu pour l'écouter. 89.1. C'est les Palmarès C'est fou pour la période du 29 août au 11 septembre. Nous sommes pour la semaine du 12 septembre 2016. Je sais que c'est mélangé, mais je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Dans le fond, on est un petit peu en retard parce que la session commence en retard. En tout cas, on est comme dans la fin de l'été. Ouais. Cette semaine. Et la semaine prochaine, on va jouer les deux semaines les plus récentes, dont celle dans laquelle nous vivons en ce moment en direct. Exactement. Est-ce que ça se tient moyennement? Ça se tient moyennement, oui. L'idée, c'est d'avoir de la bonne musique. Hein? Oui, tout à fait. On se fout-tu bien des dates, à un moment donné? Mais quand même, hein? On va sauter par-dessus les 12e et 11e pour se rendre au début de la deuxième heure en 10e place. Donc, en anglophone, ce sera Daniel Romano. D'excellent fromage. L'album Moncy et la pièce Valerie Lyon qui descend de 3. Tandis que du côté francophone, eh bien, on va entendre une artiste qu'ici, assez fou, on adore. Je parle bien évidemment de La Bronze avec une pièce qui s'appelle Monarque. El Bronzaro. El Bronzaro. C'est comme ça qu'on l'appelle en Israël. La Bronze. C'est fou, je sais plus ce que je dis. Elle est bien populaire en Israël, je pense. En tout cas, une place. Oui, ben elle chantait une chanson en une langue. Je pense que c'est en arabe. Arabe. Voilà. De l'information comme ça, on en a, là. Pour demain. 3 heures demain. Au bout des doigts. C'est ça. Tu me fais danser les lèvres. Ma maison, moi, c'est toi. C'est trop pour mon corps, la fièvre qui nous prend fort comme tes bras. Tricote-moi nos toucher, pour les palper même quand je pars. On se vivra sans flancher, malgré la joie par milliards. Je bâtirai un chalet entre tes côtes de monarque, pour m'y bronzer en tout juillet, nager dans tes veines sans barque. Sur ta peau je fais micro, dans ton vaisseau je m'endors, dans ta gueule je carnivore les gâteaux qui font éclore. Tell me what's your favorite song? avait su voler, je serais au bout du monde. Si j'avais su voler, je serais encore vivant. Up alone. Well, ain't nobody. C'était Black Mountain et Constellations. Position numéro 9, ça monte de 4, 4e semaine de présence. L'album s'appelle 4, donc 4. On a aussi entendu. Calme-toi, Clé. La 9e francophone qui. qui s'appelle Cécile avec... non, c'est l'indice avec la pièce Cécile. Voilà, oui. Et ça fait déjà 4 semaines qu'ils sont au palmarès. OK, donc l'indice avec Cécile, ça? Cécile. OK, je sais pas. Cécile, pas Cécile. Pas Cécile. Cécile. Pas comme la Sicile, comme en Italie. Non, pas pareil comme ça. Tout mêlé, madame. Ah, je sais, ça n'a pas d'allure. Parlant d'être mêlé, on amène quelque chose de nouveau morceau dans cette émission-là, ça n'a pas d'allure. D'habitude, les nouvelles chroniques, c'est pour Assemblage requis. Les palmarès, c'est fou, on se tagne comme ça se peut pas. Avec ben les oui, je sais, ça n'a pas d'allure. Comment tu veux innover dans cette émission-là, qui est une émission musicale où on présente les nouveautés et la musique préférée des auditeurs et des animateurs de C'est fou? Mm-hmm. Ben, on est capable de le faire. T'es okay. capable de le faire. Ah ouais, je suis capable de faire ça, moi. On dirait vraiment que je me suis dissocié de ton concept, mais. Totalement. Je vais essayer de t'aider un petit peu là-dedans okay, à un moment donné. C'est bon. Mais pour l'instant, pas tout de suite. Donc, merci. OK. Une nouvelle chronique de découvertes futures, pièces qui pourraient être bonnes à peut-être mettre de jour dans le palmarès, comme des trucs le fun. Oui. C'est un peu comme quand tu regardes, mettons, sur un contenant d'huile, OK, mettons, mm-hmm. d'huile de cuisson, là, oui. Tu vois qu'il y a un ingrédient là-dedans où tu sais, t'as de l'huile de palme à rice. Oh boy! Oh, j'aime le beat, Mathieu! Oh, c'est un thème générique, là. Je t'ai choisi ça comme sur le bord là. Mais je suis tout le temps prêt avec quelque chose de nouveau, t'sais. Fait que là, le nom, c'est l'huile de palmarès. L'huile de palmarès. C'est pas pire? C'est fort, très bon. Je t'impose rien. Hey, sérieux, j'ai juste écouté le beat. Ben, je sais bien. Je laisse fort tout le long. Oh yeah! Oh yeah! OK. Tania, bon. Huile de palme. L'huile de palmarès. De palmarès. Donc, de nouvelles chansons à se mettre dans les oreilles qui ne sont pas dans les palmarès en ce moment, mais qui pourraient l'être un jour. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on le sait. Hein. Je suis une grande amatrice de Spotify, 8-Tracks, puis tout ça. Puis, ça arrivait souvent quand même que dans l'émission du matin, je présentais des nouveaux artistes. Mais là, t'as tellement de nouveaux sujets que t'es pas pour mettre de la musique tout le temps dans ta chronique le matin, fait que tu mets ça. Exactement. Je me suis dit, pourquoi pas faire une chronique dans les palmarès? C'est merveilleux. C'est-tu pas merveilleux tout ça? It's beautiful. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 3 bands ou 3 artistes différents, puissants, sans plus tarder, on va commencer Puissant plus tarder. Je sais, c'est puissant, je te le dis. Titre de l'épisode. Tout à fait. Puissant plus tarder. Donc, le premier des bands que je vais vous faire découvrir, en fait, c'est Aces. Si vous cherchez sur Facebook, allez-y avec We Are Aces. Des as comme au cartes. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment leur logo. Si vous allez voir sur la page Facebook, leur page Facebook, c'est vraiment des as. Donc, vous comprenez. Ben voilà. Merci. Il y a une chose quand même très difficile à comprendre, c'est que tout est écrit en espagnol. OK. Une langue que tu essaies d'apprendre avec Duolingo, comme on l'a appris à Assemblage requis récemment. C'est ça. Et il y a vraiment très, très peu d'informations sur le band. Ça fait déjà quelques années, par contre, qu'il existe, parce que si vous allez voir sur YouTube, par exemple, puis que vous tapez Aces, vous allez trouver des... Pas asses, là. Parce que là, ça c'est plusieurs fesses. Non. Multiple asses. Aces. Aces. Et voilà, aces. Asses. Oh boy. Aces. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs vidéos qui sont sorties. Ça fait quelques temps. Le plus récent... qui est la pièce que je vais vous faire écouter. Ça fait exactement 9 mois que c'est sorti, mais ça fait déjà un bon bout. Je vous explique, c'est quand même 5 filles... portoricaines, okay. qui ont décidé de faire un groupe de musique entièrement féminin et ils font dans le style dance, dans le style K-pop. Ah, oh, comme un peu japonais. Oui, tout à fait. En fait, je crois que c'est coréen, le K-pop. Oui, je pense aussi que c'est coréen. Mais je vais vous avouer que moi, j'ai trouvé ça dans les playlists qui étaient indie-pop. Oui. Donc, vous allez pouvoir vous donner une idée vous-même de ce que vous aimeriez catégoriser le band, mais la pièce qu'on va écouter est entièrement anglophone et ça s'appelle Find Me Out. On écoute ça, Aces, au palmarès, c'est fou dans l'huile de palmarès. Ouh! Comme de l'huile amateur. T'aimes ça, l'huile amateur? Ça sent tout le temps l'huile amateur. Ça sent tellement. Moi, j'aime la bouffe, fait que c'est l'huile pour cuire. Ça. Pareil. 12e seconde, Mathieu. Ouais, j'aime ça, c'est un petit malaise. Ouais, c'est ça, ok, non, c'est correct. Ça fait comme un... Et ils sont très jeunes, on se revient. Ah après. Oui? Ouais. Hey, ça, c'est... Oui, oui, mais il n'y a pas de photo. Tristesse. N'est-ce pas? La radio, pareil. Caméra 3. It's in line to try not to break. I feel it out, but my heart breaks. just a rest of and hope for something better. But you. Past three. thinking about if you think about me, if you were someone new you met, and if you ever did give them cigarettes. When I try to forget, didn't you swear to tell the truth? Didn't you say you loved me too? I know everything changes, people move on, and you gotta be brave and you gotta be strong. Didn't you say that's what I was? Didn't you say you loved me? Cette chanson-là. Puis arrête de claquer des doigts, puis à la place, tape des mains. Ah, deux beats différents, mais dans le même genre. Ouais, ouais. Mettons. Vous venez d'entendre la pièce 330 du groupe 8090. Ils sont compliqués la vie, là. Ils sont vraiment compliqués la vie, puis même pour les chercher sur Internet, c'est assez compliqué, merci. Si vous voulez chercher sur Facebook, vous devez taper 8090 puis par la en lettres, puis par la suite, le taper avec les chiffres. Donc là, vous allez vraiment tomber sur leur page officielle. Qui sont-ils exactement? Bien, c'est deux gars de New York City qui ont décidé de se partir un duo musical en janvier dernier. Eh boy! Okay. Attends, ils ont-tu le temps de graver le CD? Je sais pas, il y a juste une pièce de sortie. Oui. Sur Spotify, exactement. On parle aussi d'un EP qui est disponible sur Spotify, donc si jamais vous voulez aller l'écouter, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment excellent. J'ai adoré le style musical. La voix est super bonne aussi. Ah, puis, mesdames... Bon. La vidéo est sortie sur YouTube. Si j'avais dit ça, je me serais fait traiter de sexiste. Mais non, aucunement, t'as le droit de dire qu'une artiste est très jolie. Mais j'ai pas trouvé ça qu'on a entendu avant. Ouais, non, c'est ça, exactement. Okay, tu vois, c'est pour ça. Ouais. Puis, comme tu le dis, ben la pièce qu'on a entendue avant, c'était Find Me Out du band K-pop Aces. Parce que Mathieu rit de mon accent. J'aime ça. Si vous vous demandez quel genre de musique 8090 joue, bien leur genre est vraiment les années 80 qu'ils disent, mais aussi Telecasters. C'est quoi ça? Je me suis vraiment demandé quel était ce genre de musique, alors j'ai fait quelques petites recherches et sachez-le, le Telecaster, en fait, c'est une sorte de guitare Fender. Ah. Donc, c'est la Fender Telecaster qui est une des premières guitares électriques à corps plein et ça a été la première à avoir une réelle histoire commerciale. À corps plein, c'est comme les lapins quand ils sont pleins à l'intérieur, moi, je trouve. Oui, pareil comme le chocolat de Pâques, Mathieu, t'as tout compris. Donc, elle a été produite et commercialisée en série par Leo Fender à partir de 1951. Donc, j'ai comme l'impression que tout leur EP a été fait avec le même style de guitare et c'est un petit peu pourquoi on y a été avec ce genre musical-là. J'adore ça. J'aime beaucoup le beat. J'aime la vibe qui fait plage un peu quand même. Ça s'écoute super bien. Et moi, j'écoutais cette playlist-là en travaillant. Donc, si jamais vous êtes genre à vouloir travailler ou étudier en même temps, mais ça, c'est quelque chose qui s'écoute bien. Dans le fond, tu étais en train de dire que tu n'écoutais pas C'est fou pendant que tu travaillais. C'est ça que tu veux dire? C'est un peu insultant. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que quand j'ai fait mes recherches, je voulais vraiment rechercher des pièces musicales qu'on pouvait jouer. Alors voilà. Ça a du sens. Mais je travaillais en même temps. Ben donc, je devais être à deux endroits en même temps. J'étais sur Spotify et à la recherche. Voilà. Sans. Tu comprends-tu, Mathieu? Oui, je comprends ça. La prochaine pièce que je vais vous faire écouter, eh bien, c'est The Violet Days. Qui est Violet Days? C'est une artiste complètement indépendante, on pourrait le dire, parce qu'elle est signée par aucun label, en fait. Elle vient de Stockholm. Donc, on parle ici de... C'est en Suède, ça? Oui, exactement, Suède. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que Violet Days, c'est son nom d'artiste. On peut pas trouver son vrai nom, donc je peux même pas vous dire son vrai nom. Mais c'est dans le style alternatif pop. Puis elle-même le dit, whatever you want to call it. Pas d'étiquette 2016. C'est ça. tout le stock donc, qui vient avec. Tout ce que vous voudrez appeler son style musical, gender, ça va être le fluid neutral, c'est ça. Ouais, ouais. Ça va être le style musical qu'elle va accepter que vous lui donnez. Ouais. Elle fait quand même de la musique depuis 2010. Okay. C'est la première fois que j'entends son nom. Vous allez voir, c'est pas nécessairement particulier. Moi, j'aime beaucoup le beat que ça a. C'est générique plate. Non, c'est vraiment pas générique plate, vous allez voir, mais ça, c'est sûr qu'on joue dans le indie pop, mettons, là. Ça a un son typiquement indie pop. Oui, bon. Carrément. Donc, on va aller écouter la pièce Your Girl. Violet Days au Palmarès, c'est fou, dans le segment Huile Palmarès. Ouh! Pour l'instant, on va voir. Ouais, exact. Just as warm as California, they're holding me so deep. Whenever you're asleep, outside these walls, you're indifferent. Renegade at heart, only want me when you're lost. What do I feel ashamed when I just wanna say that? Left to say, it's like you're acting like our love was never wild enough, but still you call me yours. I can't pretend anymore. But what do I feel ashamed when I just wanna say that I don't wanna feel like I'm wasting my time? It's turning more than a lie. Cause Girl de Violet Days. Je viens de découvrir d'ailleurs qu'elle a été en nomination aux Denny's Pop Awards 2015 pour écrivaine de l'année et producteur de l'année. Et qu'est-ce que c'est le Denny's Pop Awards? Eh bien, c'est un gala qui a été mis en place par les membres du Sharon Studio pour vraiment aider les artistes, les producteurs et les écrivains suédois à se démarquer. Et entre autres, il y a eu dans les gala gagnants de plusieurs autres années parce que ça existe depuis 2013. Il y a Swedish House Mafia et Avicii qui ont déjà gagné dans ce gala-là. Alors, ben, mon Dieu, on lui souhaite la meilleure des chances à cette Suédoise pour le reste de son histoire musicale. Pour le reste de la vie. Vers voilà. Days, qu'on vient d'entendre. Oui! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une petite découverte de trois pièces une fois de temps en temps. Ouais. À chaque semaine, on verra bien ce que ça donne. Écoute, justement. On aime ça. Ouais. Ça s'appelle l'huile de palmarès. C'est ça. On claque des mains quand ça commence. Oui! Voilà, vous êtes toujours au palmarès. C'est fou, on était rendu, avant de s'interrompre avec une chronique, on était rendu à la pièce numéro 8 de chaque côté. Donc en anglophone, ce sera Counterfeit Jeans avec No Desire qui monte de 10 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Bleu Toucan avec Anois Café qui est au palmarès depuis les trois dernières semaines. Wow, c'est les palmarès, c'est fou! Wouh! FN! FN! Hey!

position numéro 7, Witching Hour par Supermoon sur leur album Playland. Et la position numéro 7 du côté francophone était Des gens comme moi de Michel Haut. Ouais. Une pièce qui est quand même là depuis 4 semaines et qui a monté de 2 positions depuis. On se rappelle que les semaines sont très, très approximatives pendant l'été. On parle de semaines en tant que mois, des fois. Ça peut être 4 semaines entre 2 palmarès. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 4 fois plus que quelqu'un qui est là depuis une semaine. Exactement. C'est bon. Il nous reste de la place pour les positions numéro 6. C'est rare qu'on se rende jusque-là dans cette deuxième heure. C'est donc, en anglophone, on va écouter Weaves avec Candy qui monte de deux, qui descend pardon, de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, on va écouter Te retrouver du groupe Les Passagers qui, mon Dieu, la semaine dernière était en 18e position, bien, du moins durant le dernier palmarès. Donc, on a fait un bon saut de la part des Passagers. Oh mon Dieu! Les Passagers qui s'envolent! Colin, espérons que. Ouais, qu'il se passera pas. On va respecter. Ils vont continuer de voler vers des autres cieux. Oui, c'est ça. 13 septembre, trop tôt pour cette blague-là. Oui, non, Mathieu. C'est pas vrai, c'est fou! Ok, on devrait le faire. Tout sous, hashtag tout sous. J'ai fait un gag de Bob Bissonnette hier, là, j'aurais pas dit à l'intro. Oh mon Dieu, t'as pas fait ça? C'était pas devant le public. Une chance. Thank you. très drogué. Oui, vous avez Cani qui descend de deux places en sixième position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Les Passagers avec Te retrouver, Mathieu, et c'est Joe Flat. Ah, mais hein, c'est un classique. C'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve pour une troisième. Il va nous rester les positions 5 à 1. On aurait aussi faire le bloc ailleurs dans les palmarès dans la troisième et dernière heure des palmarès. C'est fou. Restez avec nous. Oui. Oui, ok, oui, j'accepte. Ouais, ok, bye, à tantôt. Bye. Okay, bye. Okay, bye. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. C'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 12 septembre 2016. On couvre la période du 29 août au 11 septembre dans le cadre des palmarès. Elle, c'est Tania Boone. Et Mathieu Plante. Oui. Oui, présent. Oui, oui, présent, OK. Ouais. Good, une chance. Une chance. Qu'est-ce que tu ferais à la console? On l'a déjà essayé une fois. Ça a marché, c'était correct. C'était fin, ça. Non, c'était fin, même que je t'ai rediffusé une couple de fois. C'était quand même fin. Ouais. Exactement. Belle émission. Bref, arrêtons de vivre. Hey, dis le gars qui vient, le gars. Le gars, oui. Oui, le quoi? Gars. Je parle de toi, j'ai dit dis le gars. Ouais, dis le gars, merci. J'ai bref, hein? T'es en train de parler contre les gars qui se mettent en chess, là. Sur peu importe où, là. Oui, arrêtez de mettre des photos de vous juste en chess, s'il vous plaît. Mais juge pas, Mathieu Blanc. Juge pas. Non, non, mais là, on s'entend que c'est différent. Ben... ouais. Tu m'as jugé sur ma capacité à faire un travail. Eux, je les juge selon leur stupidité. Oh boy, wow. Sentez-vous pas visé, c'est notre public cible, c'est les hommes en chest, tu savais? Ah ouais? Ouais. Shit. Shit. Ah tiens, parlant de shit, on va pas entendre du shit, on va entendre du holy fuck. Oh my god, proche. Sacre bleu. Position numéro 5 avec Tom Tom qui descend de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Chantal Archambault avec la pièce Corps étranger. Sacre bleu. Oh, sacre bleu. C'est pas mal, c'est fou. 89 FM. Holy fuck. Hashtag. Hashtag. Mais oui, évidemment. Non, je ne suis pas folle. J'ai parfois fait erreur sur la personne. On ne déshabille pas un homme aussi facilement que l'arbre en automne. Tu comprends pas, tu restes là. Des sentiments comme des corps étrangers. 5. Vêtu d'un maillot de panthère,

Un bloc de 4 pièces qui se termine avec Andy Schauf et The Magician qui descend d'une place en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était une pièce qu'on croyait être une autre pièce. Oui. Mais c'est la pièce El Beach de l'artiste de Liminanas. On voilà. pensait que c'était celle qu'on aimait, mais c'est pas celle qu'on aimait. Non, finalement, c'est pas celle qu'on aimait. Avant ça, en position numéro 5 en anglophone, c'était Holy Fuck the Shit the Fuck. Avec, oh my god, c'était pas si long que ça tantôt. Non, c'est juste sur les fans. Avec la pièce Tom Tom qui descend de 3 places en 5e en lot. Puis un peu moins glamorous, ben du côté francophone, c'était Chantal Archambault avec Corps étranger. Gentle! Archambault! On va peut-être la rebaptiser. Peut-être. Hey, Rochambeau, c'est le nom en anglais de Roche-Papier-Ciseaux. Pas vrai? Rochambeau? Rochambeau? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il me semble que ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est pas le... Ah, attends un peu. Ça, c'est vraiment drôle. Faut que je le retrouve avant. Faut que ça n'aurait pas l'allure si je le disais plus tard. Attends. Tic-tac-toe. Oui? Est-ce que tu sais en France le nom que ça a? Non, pas vraiment. Attends un peu. Hein. Il me semble que c'est drôle. Tic-tac-toe. Le morpion! Le morpion. Ça s'appelle le morpion! Oui, le morpion! Le tic-tac-toe est souvent... Attends. Le tic-tac-toe est souvent appelé morpion, ce qui entraîne une confusion avec le jeu morpion, qui lui ressemble par ses mécanismes et dont le but est de former des lignes de 5 et non de 3 sur un espace quadrillé. Le tic-tac-toe est sur une grille de 3 cases, le morpion sur 5. Ouais. Mais les gens appellent le tic-tac-toe morpion en France, peu importe le nombre de cases. C'est drôle, hein? Oui. C'est pas ça? Non. Bref, tu voulais pas savoir ça non plus. Hein? Non plus, vraiment pas. Bref. Hey, y a plus de camion. Si vous voulez un. Non, Tania, y a plus de camion. Si vous voulez un update sur comment se passe la toiture. Ah ouais, bien, du pavillon des Rébauchemins à l'UQTR, évidemment. Exactement. Tout à l'heure, on a vraiment beaucoup fait le saut parce qu'il y a quelque chose qui nous a tombé dessus. Ben, on a eu l'impression que c'était les gars qui étaient tombés dans la bâtisse, mais non, finalement, c'est les gars qui travaillaient au-dessus de nous. Hein, exactement. Puis là, ils viennent de quitter, là. Fait que le gros camion est plus là. 16h20, fin de la journée. Voilà, les gars, c'est temps de partir. Mais le stock reste sur le toit. Qui sont allés chercher quelque chose. On sait pas, mais on va vous tenir au courant en temps réel à Assemblage Requis demain mercredi. Ça va être cœur. Tout à fait. Hey, je tiens à saluer Violet Days qui vient de liker le post de C'est fou 89.1 FM, comme quoi on avait beaucoup aimé sa chanson. C'est génial. Et chaque semaine sur la page Facebook des Palmarès C'est fou, je tag toutes les nouvelles entrées et les numéros 1. Donc on va recommencer à voir des gens sur la page Facebook des Palmarès C'est fou aussi. Donc suivez-nous sur Facebook les Palmarès C'est fou. On est rendu en position numéro 3. Du côté anglophone, c'est Pop avec DVP, c'est lancé numéro 1. Et du côté francophone, ben là, c'est une pièce qu'on aime vraiment beaucoup. Oui. Je parle d'Hypnolove avec la pièce La Piscine. Mais c'est normal qu'on s'était mêlé de Beach El Beach puis La Piscine, ça m'a fait. Ouais, même mais chose. C'est celle-là qu'on aime là, dans les palmarès, c'est fou. Oh my god! Avec un daiquiri. 89 FM, oui, Violet Daiquiri. Ouais. Et Boboy. Boboy. Et Boboy. Il paraît que j'ai me couché. Ouais, c'est ça, fait ça, Mathieu. Chaleur de l'été. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Trois. Traumatisant, Tania, où je fais comme si de rien n'était, je mentionne que c'était pop en position numéro 1 de la semaine passée. Maintenant, en troisième place, la pièce s'appelle DVP. Exactement. Et on a aussi écouté. OK. Je vais te dire, si tu veux, hein, ce qu'on a écouté, Tania, c'était Hypnolove avec la piscine qui a monté de la 20e à la 3e en l'espace de deux palmarès. J'aimerais sérieusement arrêter de regarder des Snapchat pendant les pauses musicales parce que. À moins que tu veux partager avec l'auditoire. Il y a des filters qui sont vraiment drôles. Ah, OK, c'est juste ça. Je pensais que c'est l'histoire de. Il y avait une photo d'un avant-bras. puis sa main, puis ça avait l'air d'être un. Une péniche, comme on appelle. Une péniche. Non, ça c'est sur Instagram. Ça c'est sur Instagram, excuse-moi. Mais la même affaire, là, Snapchat et Instagram. Ben, j'espère qu'ils ont pu utiliser cette photo-là comme, genre, une publicité. Pour la petite crème à main qu'il y avait de chaque côté, je sais pas. Pour la crème anti-allergie. Comment est-ce que tu trouves ça sur Instagram, la photo de ça? Je suis allée sur la loupe. Et t'as. Ok, c'est apparu en premier. Tu cherchais des pénis. Excuse-moi, des pénis. Non, je suis pas arrivée à celle-là en premier. Il a fallu que je scroll pendant vraiment. Oui, faut, des fois, il faut que tu fasses un petit mouvement de va-et-vient pour qu'elle réussisse à faire ce que ça. Oh, il est temps. On est ici depuis longtemps. Je pense que oui, on anime les matins de 6h30 à 9h30. Et ensuite, on a eu la bonne idée de faire aussi les palmarès c'est fou entre 14h et 17h. Au moins, dis-toi que l'année passée, c'était entre 15 et 18. Hey, je sais pas comment on faisait. On a monté d'une heure et je pense que ça va aller mieux, de mieux en mieux. Hein? Oui. J'espère. Ça n'a pas l'air à ça. À date, là. Par contre. Oh boy! C'est un temps d'adaptation. Oui. On est habitué en plus de parler dans cette émission-ci. Tout l'été, on a fait du blabla. Là, on joue de la musique, fait qu'on a le temps de se divertir à la place de préparer des chroniques. Ça fait différent. Oui, on est trop lousse dans cette émission-là. On a rien d'autre à faire que de s'amuser. Faudrait revenir plus étroitement, Mathieu. Oh, bon, attends. Étroitement? Dans la lignée, là. Dans la lignée? Ben, la lignée. Aligner ton... dans le... Non, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Eh ben, si chapeau de fait... Mais là... T'es excité, là, sans moi aussi. OK, là, j'arrête. You!

C'était Jay Harner avec Crystal Ball. Testicule de cristal, comme je dis tout le temps. Oui. Ça me fait tellement rire. Oh, on a des belles conversations. C'est la position numéro 2 du côté anglophone. Jay Harner qui, attention, monte de la 17e place en 2 semaines seulement sur l'album J2. Puis avant ça, on a entendu Eden Noir de Peter, qui lui était la position numéro 1 du dernier palmarès francophone. Mm-hmm. Mais j'ai bien hâte de voir qui va l'avoir cette semaine. Oui, mais d'habitude, ce qu'on fait avant qu'on arrive au numéro 1, je dis d'habitude, et l'année passée, je réalise qu'avec toi, on ne l'a jamais fait dans l'année scolaire au complet. Mais en fait, on revenait sur les blocs qu'on coupait. Oui, absolument, on revenait sur les blocs qu'on coupait, mais d'habitude, ce qu'on faisait à l'émission traditionnellement, c'est regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres palmarès, oui, et ça s'appelle Ailleurs dans les palmarès, et il y a une petite chanson thème. Évidemment. Puis, tu vois, évidemment. Devine qui chante la chanson thème. Toi. Peut-être que c'est moi. Probablement. Et peut-être que ça va pouvoir m'aider, étant donné que tu vas te la mettre en bouche avec le temps, tu sais. On va voir ce que ça donne, attention. Attends, c'est celle-là? Attends un peu, je pensais que c'était celle-là, mais je suis pas sûr que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais au pire, t'es pas obligé de chanter. Non, attends un peu, c'est pas celle-là, ça, c'était mon fond normal. C'est celle-là ici, voyons, non. Ailleurs dans les palmes. Ailleurs dans les palmes. Non, j'ai pas le beat. Attends un peu, on va écouter l'exemple, parce qu'on avait un exemple avec Stéphanie Paradis. Avec truc. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. On essaie dessus, on est prêt, on essaie. Ok, attention. Non, je me prête pas à ce jeu. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Oh mon Dieu, Mathieu, c'est génial. Oh wow! C'est Steph qui faisait ça? Le oh wow, non. Non, malheureusement. Je suis tabarouette, bon. Steph, t'étais bonne. Maintenant, tu sais comment ça se passe. À peu près, pour l'intro, c'est évidemment, dans mes émissions, c'est toujours ce qui est le plus important, c'est les chansons thèmes. Tout le temps, le ou contenu. Les titres. Ou les titres. Le contenu, je vous dis sérieusement, ça passe en position numéro 5. Après, genre des positions qui sont vides, un peu comme à la guerre des clans, que des réponses sont pas encore révélées, tu sais. Exactement. Ouais. Donc, tu vas me suivre parce que t'as jamais fait cette chronique-là. Hein? Tout à fait. Donc, commençons par le top 30 des albums. Pour commencer, pour mettre en contexte, Ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe, j'irais ailleurs dans les palmarès. Oh mon Dieu, parce quel que jeu de mots. C'est quand même pas pire. Les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 un francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens ainsi qu'un top 10 loud. Dans le top 30 des albums, il y a beaucoup de nouvelles entrées, donc je vais les faire au complet. Tu pourras faire le top 3 après, d'accord? Excellent. Donc, nouvelle entrée en 29e place, Your Wilderness, un album de The Pineapple Thief. En 27e, le groupe The Fall of Hearts avec Catatonia. En 26e, Monolith of Phobos avec The Claypool Lennon Delirium. En 25e, White Long avec Paradise. Ensuite, on va en 20e place pour retrouver The Pack 80 avec Positive Thinking. En 19e, Heaven for Real avec Kill Your Memory. Vous avez compris que celle-là, on les a écoutées plus tôt dans les gens. Exactement. En 18e, Blues Pills avec Lady in Gold. Et en 17e place, c'est Japan Girls avec Divorce. Japan Girls, pas Japanese. Et non, Japan. Japan? Il y en a qui disent Japan. Japan. Eh boy. C'est Japan. Oh, mais il doit être British. Ça doit être... Japan. Donc, position... si tu veux. Position 3 à 1. Oui, position 3 à 1, eh bien, on retrouve Andy Schauf avec l'album The Party. Non, du tout, c'est la quatrième. Ça commence mal. C'est parce que je vois pas. Pour ton training, ça commence vraiment mal. Moi, je sais. Hein. OK, en troisième, c'est Pop avec l'album The Dream Is Over. En deuxième position, la semaine dernière, ou du moins le dernier palmarès, disons-le, ils étaient en 19e position, c'est Jay Harner avec l'album J2. Et en première position, la semaine dernière, dernier palmarès, il était à la 20e place, quand même un bon petit saut. Hein. On parle de Bad Bad Not Good avec l'album 4 y a un petit ou choc. 4. On ne sait pas parce que c'est en chiffre romain, puis je parle pas romain. C'est ça, ça peut être Ivy aussi, on sait pas. Peut-être Ivy, hey, t'as peut-être raison. Hey, hein, genre, je pense à tout. À la position, donc le top 3 des disques canadiens maintenant, 3e place. L'ancien numéro 1, c'est Pop avec The Dream Is Over. Ça ressemble pas mal au top 3 du top 3 des albums. 2e place, Jay Harner et J2. Et en première, Bad Bad Not Good avec 4. Ensuite, dans le top 10 loud, il y a 6 nouvelles entrées. Donc on parle en 10e place de Mark of the Blade, un album de Whitechapel. En 9e, Bloody Hammers avec Lovely Sword of Death. En 8e, c'est Hammers of Misfortune. Je sais pas si c'est son cousin avec Bloody Hammers. Peut-être. Hammers of Misfortune. Dead Revolution. En 7e, c'est Running Wild avec Rapid Foray. En 6e, Gorguts avec Play It's Dust. Et en 5e, c'est Genetic Error avec Toxic Planet Re-Edition. On va sauter à 4e pour aller au top 3. Ah, merci. En 3e position, c'est Motorhead avec Clean Your Clock. En 2e position, c'est Revocation avec Great Is Our Sin. Et en première position, c'est Gojira. Gojira, Gojira. J'imagine. Ça dépend comment vous disiez que oh, wow. Dis-le. Hey, Gojira, ça serait comme genre en espagnol où les J sont des... Gojira. Wow, c'est hot. Avec l'album Magma. Ça paraît que Duolingo fait la job, hein? Pour t'apprendre l'espagnol. Oh. Mais là, j'ai laissé tomber l'espagnol. T'es en italien seulement. Je suis en italien seulement. C'est trop difficile, deux ouais. Langues qui se ressemblent beaucoup ben, comme je ça. Je te l'avais dit, tu sais. Je sais. Je l'avais dit. J'imagine que la raison que tu me remercies de ne pas avoir à dire le numéro 4, c'est que c'est Kvartak. Exactement. Avec Latisford. Ça aurait été pas pire de dire l'album, mais l'artiste, je suis désolée, je n'ai plus capable non, de dire. Absolument pas. Voilà, donc on a parlé de ce qu'il y a ailleurs dans les palmarès et à chaque fois qu'on fait ça, je choisis une pièce en Ouh. Quelque part. Donc cette fois-ci, celle qui m'a intéressé en fait, qui m'a attiré l'œil, c'est par le groupe de Pineapple Thief. Ben oui, pas évidemment. Le voleur de nana. Hein? Le voleur de nana. Donc oui, ben oui. On de nana. Nana. Oh mon Dieu. Mais ouais. C'est terrible. Oh yeah. Oh, oh cute. On écoute une pièce de cet album-là. C'est celle qui est la plus regardée sur YouTube en ce moment. Donc sur l'album Your Wilderness de The Pineapple Thief. Voici In Exile. Au palmarès, c'est fou. Dans la section ailleurs, dans les palmarès. Au 89.fm. Oh que oui. Oh oui. Oh que oui. We are in exile. C'était la formation de Pineapple Thief, la pièce In Exile sur l'album Your Wilderness. C'est la position numéro 29 du top 30 des albums dans la section Ailleurs dans les palmarès. Tania, est-ce que tu te sens prête à réessayer l'intro, voir? Oh my god, non. Laisse... Ah, comment, tu veux la réessayer là? Ah, oui, oui, oui, oui, attends un peu. Je me souviens même plus c'est quoi les paroles. Tu te souviens plus des paroles de la chanson Ailleurs dans les palmarès? Dis-moi, c'est Ailleurs dans les palmarès? C'est Ailleurs dans les palmarès. Je dirais que c'est assez simple. Ok, ok. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. On le fait un petit peu tôt, là. Ouais, le beat de l'affaire qui est dur à c'est commencer. Ouais. Faudrait juste le taper une fois puis synchroniser notre voix pour que ça devienne super high piqué. Ouais, tu veux dire exactement comme on l'avait fait avec Steph finalement parce que c'était meilleur comme ça. Hein, mais non, mais l'enregistrer. Ok, oui, parce que ça c'était live et ensuite on l'avait coupé pour. Ouais. C'est ça. Bref, ailleurs dans les palmarès, je prends en charge oui? de faire ça chaque semaine. C'est pas même dur à faire, c'est une pièce. Mais non, t'as raison. Ah, l'année passée, je sais pas ce qui se passait. Bref, nous voilà rendus. C'est vraiment pas. Passons dans le beurre. Passons dans le beurre. On était rendus aux positions numéro 1. Oui. Oui. Et les numéros 1, tu le sais, ça, tu le sais, parce qu'on l'a fait l'année passée ensemble. On faisait des jeux de mots poche à chaque numéro 1. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Ça, tu t'en souviens, là. C'est pas comme, je veux dire, il faut pas que. C'est comme un bobo. T'as pas besoin de le frotter pour réussir à faire sortir les jeux de mots parce que mon talent est naturel. Oui, donc, t'as juste besoin de à peine toucher, comme quand tu mets ton doigt dans ta dent de sagesse qui est tombée, puis que là, ça te fait un caillot de sang, puis qui tombe. Ouais. Fait que faut pas que tu le grattes trop. OK. Faut pas que tu fasses ça. Parce que sinon, je sais pas, tu pourrais te tanner. Tu pourrais en avoir marre. En avoir mort, en avoir ultra mort. Ok, oui, t'as raison. Comme on dit dans la rue, hein, tu sais. Et oui, on dit tout ça. On dit tout ça dans la rue, dans le ghetto. Et du côté anglophone, mais je te dirais que bon, cette blague-là, oui, elle était très, très, très, très, très, très mauvaise. Elle était mauvaise, mauvaise, pas très, très bonne. Mm-hmm. Hein? Mais ça, c'est seulement à ton avis, parce que le comment dire, le succès d'un jeu de mots est dans l'oreille, ouais. de la personne qui le regarde ou l'écoute. Ok, je suis d'accord. Hein? C'est comme la beauté. C'est exactement comme la beauté, mais ils m'ont volé ma phrase parce qu'à la base, c'était sur les mauvais jeux de mots. Ah, je vois. C'est ça, c'est ce qu'on disait dans la Bible, dans le chapitre 4. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des chapitres dans la Bible? Aucune idée. Aucune idée. Oh my god, aucune idée. Bien, je pense que je vais y aller avec le top anglophone. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Parce que je pense que c'est le plus facile à décrire. Donc, tes jeux de mots sont vraiment pas super bons, mais ça dépend de qui les écoute. Ça. Parce que l'artiste, c'est bad, bad, not good. Hey, hein, ça, c'est aller chercher ça loin, hein? Avec la pièce, évidemment, In Your Eyes, pour ceux qui écoutent ou qui regardent. Ouais. Mathieu Plante, tout dépendant, c'est à votre guise de l'album 4, bien évidemment. Comme la Bible. Comme la Bible. Chapitre 4. Le chapitre 4. Ben oui. Voilà, c'est expliqué pour le top 1 anglophone. Maintenant. Pour le top 1 francophone, par contre, ça se gâte. Ça se gratte. C'est ça, ça se gâte parce que si tu frottes ton petit bobo ou que tu vas mettre ton doigt dans ton creux de donne sagesse. Ça, c'est un fait vécu de la part de Tania Baudin. J'ai pas mis mon doigt dedans en passant. Non, mais tu t'en empêches. Faut physiquement que tu te retiennes avec l'autre main en ouais, tirant vraiment, sur ton parce que main. Ça gosse. Ouais. C'est, je le sens en permanence. T'as des graines de poignée dedans, c'est ça? Exactement. Ouais. Non. Fait que du titre de la pièce qui est gratte, oui. L'album Ultra Mort, tu sais, quand t'en as ultra, ultra, ultra. Non, mais mort. La raison que j'ai fait ça, c'est que hier au match d'impro de la Luître, okay, c'était un punch club, donc c'est des combats épiques entre deux personnes. Ouais. Et puis l'animateur, Pascal Johnson, sa catchphrase, sa phrase clé, un peu comme dans une sitcom ou un dessin animé, c'était genre c'est là que ça se passe, ça se passe, ça se super passe. C'est ça son catchphrase. Fait que là, moi, c'est la mort, dans la mort, dans le ultra mort. Je ne comprends pourquoi je jamais ou. Hey, c'était super! C'était un des meilleurs matchs d'impro que j'ai vu à date. L'artiste n'a pas été nommé parce qu'il n'y avait aucun jeu de mots à faire avec non, ça. C'est Fred Fortin. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas mon Fortin. Mon Fortin. Ah, c'est voilà. Mon Fortin. C'est pas de sa faute, il y a un nom avec lesquels je ne peux pas faire de jeu de mots. Mais non, plate! C'est pas de sa faute. On ne réinventera pas. On réinventera pas la roue. C'est ça, je disais. Le roux. The roux, tu disons. J'allais la faire, mais j'étais pas sûr. Donc, avant qu'on dépasse de trop longtemps cette émission-là, allons-y avec le numéro 1 francophone, Fred Fortin et la pièce gratte tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Ah, c'est fou 89 FM. Gratte, gratte, gratte ta guitare. Gratte-la, là. Gratte-la, gratte-la. Ça fait dur. position. Not good et In Your Eyes. En position numéro 1 du palmarès anglophone, ça monte de 19 places. Quand du côté francophone, tout juste avant ça, c'était Gratte de Fred Fortin. Et c'est ainsi que se termine cette édition des palmarès C'est fou pour la période du 29 août au 11 septembre 2016, l'émission de la semaine du 12 septembre 2016. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Toi à En Piste avec Tania Baudin les mercredis 14h. Moi, Mathieu Plante, choix 15h les mercredis. Et la semaine prochaine, pour une autre édition les mardis entre 14h et 17h. Passez une belle semaine. Bye. Bye tout le monde.